comme ça je fais, suis ça. MC, c'est comme ça je fais. Ça. Qui es-tu pour me juger? Pourquoi te préjuger? Dans les jupons de tes vieux réfugiés, parlons fort sans t'avoir à l'user. Sans vouloir abuser, désabuser, faut pas me refuser. M'expliquer pourquoi ma haine l'a teasé. M'accuser délinquant violent pour s'encatiser. Parce que j'aime pas sympathiser avec la risée, je veux pas te plaiser. Sans le bouffon de se maîtriser, bordé d'un baiser. Petit gamin, ma mère me le faisait. Aujourd'hui c'est dépassé, des demoiselles l'ont remplacé. Pourvu qu'elle meurt bien constituée. Pour mon lacet, viens pas me les casser. Avec tes comptes, tes histoires, des colliers. Je vais être prisonnier ou les types comme ça prenaient les rouillés. Débrouiller, se battre, moi de ma bouche jamais verrouillé. Pas voir comme une femme, on peut mener sans bateau. Un homme costaud, brillant pas au premier coup de couteau. L'hiver son manteau, ton anniversaire son gâteau. Y'a pas photo, t'es de la balade sous mon pecto. Qu'excite les femmes, mais fais jaser les pecno. Arrête de parler, de râler, gavé charlé. Entouré de salauds, tout le monde sait bien que t'es qu'un charlot. Arrête de parler, de râler, de gavé charlé. Entouré de salauds, tout le monde sait bien que t'es qu'un charlot. Arrête de parler, de râler, de gavé charlé. Entouré de salauds, tout le monde sait bien que t'es qu'un charlot. Fais bien de flipper le rap, quand que je taille te rattrape pas. Des connaissances, un niveau scolaire pas trop mauvais. Savoir où je vais, une conscience de tout ce que je fais. Le rap un forfait, consolidant, opéré, bon vrai. Mélo l'agréable ou désagréable, t'es l'impôt prêt. Pas d'à peu près pour l'action, répond toujours prêt. Par baisse barcadée, tu sauras qu'il n'y a pas que des dadés. Ou des soldats dans le seul combat, fumer le bouddha. Professionnel dans le deal ou le vol à l'arraché. Si on te l'a caché, là où circule ce doux poudre en sachet. Fais demander détaché, vive des gens en mœurs attachés. J'ai pas te lâcher, pour qui te prends-tu, tu te craches. Je pense pas que ce but considéré dit juste à me fâcher. Ici on est tous frères, même si comme nous y'a pas de mendi. Joue pas les bandits, tu tapes qui fleur a bandi. Pareil à mon petit devant une glace à sucre candy. Répétez ce que je dis, faut pas que ça devienne une maladie. Sinon du malade on dansera sur cette mélodie. Arrête de parler, de râler, gavé le charlé. Entouré de salauds, tout le monde sait bien que t'es qu'un charlot. Arrête de parler, de râler, gavé le charlé. Entouré de salauds, tout le monde sait bien que t'es qu'un charlot. Arrête de parler, de râler, gavé le charlé. Entouré de salauds, tout le monde sait bien que t'es qu'un charlot. Viens de flipper le rap, quand que je taille te rattrape pas. Entouré de salauds, tout le monde sait bien que t'es qu'un charlot. Premier à me critiquer, le premier à passer à table. À me traiter d'incapable, peut-être que c'est un gros cartable. Comptez sur mon diable. Une fois devant des mecs valables, mon charme devant des femmes indomptables, plus qu'indésirables. T'imaginant que tout est négociable, démonnayable. Tant mieux si Kayasu t'a pu grandir, rester barré, ce qu'on t'a de moquer de ceux dont le destin plus fâcheux, l'avenir capricieux. Me pousse pas, moi, faire feu, réussir, je le veux. Toujours crédible aux yeux de Dieu, Satan bouche un coin, un gars de ma trempe, un type de vieux lieu. Les bonnes manières se perdent, tout comme les bons MC plein de verbes. Arrête de parler, de râler, gavé le charlé. Entouré de salauds, tout le monde sait bien que t'es qu'un charlot. Arrête de parler, de râler, gavé le charlé. Entouré de salauds, tout le monde sait bien que t'es qu'un charlot. Arrête de parler, de râler, gavé le charlé. Entouré de salauds, tout le monde sait bien que t'es qu'un charlot. Viens flipper le rap, quand que je taille te rattrape pas. Entouré de salauds, tout le monde sait bien que t'es qu'un charlot. Viens flipper le rap, quand que je taille te rattrape pas. Viens de flipper le rap, quand que je t'aille, je rattrape toi.